Moi, j'aime les boules. Les boules. Moi, j'aime les boules. Les boules. Dans ton sapin ou dans mes mains. Ou caché dans ton gilet. Moi, j'aime les boules. Les boules. Les boules. Les boules. On peut les faire rouler. Les palper, on peut les lancer ou les faire remonter. Moi, j'aime.